pour ne pas qu'il s'enrhume. Je parle à mots couverts, car les mots c'est fragile. Ça casse comme du verre, on ne doit les sortir que quand le temps est clair. On y voit mieux pour mélanger les pros et les vers. Alors les mots je les déplace sans qu'ils ne soient vulgaires. J'y mets des codes, des grimaces pour protéger mon univers. Les mots je les dépasse pour voir ce qu'il y a caché derrière. Les mots je m'en détache, je ne comprends que ce dont je me sers. Pour ne pas qu'il s'enrhume, je parle à mots couverts, car les mots c'est fragile. Ça casse comme du verre, on ne doit les sortir que quand le temps est clair. On y voit mieux pour mélanger les pros et les.